bakiti oza liboso eza vite oyo. Papa Pierre, kiti eza polelo pofiro tika na sima. Me, mama, bozo banga bakiti oza vite? Eza mai? Ah. Ma, bozo ba, bo isui, bo vana. Bandeko, harmoni fezala, ba oba zana suka kuna bo pusana. Tungi toza la mukeme toza sude. Ba mama nazo ba bino ba boza na bana bo kipe ba chaise oyo. Ba o baza na 3e rangé ba kena 2e rangé. Ba o baza na 4e rangé ba mati na 3e rangé. Tout ça l'impé rapide tous les canaux de l'obanaza. Zalaka apt mama. Masé. Vous rêvez. Merci. Écoutez les mille colos. Tika moment où on a senti le bon qu'on a zam, il s'en zamba disposé yo, tout semble être un combonais. Na kombo na Yesu, amen. Tango Pasteur Gaston azo pusa na liboso, azo betila Yesu Kristo maboko. Amen. Alléluia. Tozo tanga makomi na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 13. Tout ça, acte 13. Toujours, bandana verset, toujours temps, verset 48. Acte, chapitre 13, verset 48. Je lis au nom de Jésus. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, tout va bien. Je suis en train de parler sur destin. Destin, oyo. Et ça t'aime beaucoup. Mon aîné ma casse, ce que destin est allé et loco mouto à cause ça la vie. Amen. Tout ça, la troisième culte, la première culte, na souleva qui peut moko très capital. On a tali ça qui importance, il y a environnement na yo, tout y a entourage na yo. Na katcha destin, faut y ba ke ba, tu faut baser la pemene na yo. Je pose la peine à battre. J'ai évoqué l'histoire de Jéthro et Moïse. Jéthro a zalaki bokilo ya Moïse parce qu'a balaki mwana et Moïse a balaki mwana naye. Et un jour akutaki Moïse azo sunga bato na ko trancher makambo na kati ya peuple et j'ai trois épisodes qui Moïse qui est comme ça, aux accords s'épuiser. Ça l'a nuance surtout. Au Luca, au pays sabbat, ma charge, va représenter yo. Amen. Et nous avons vu l'importance de collaborer, d'être en bon terme avec tout le monde. Mais, n'aïk qu'on évoquait le Komoko dans mon kanda, il y a 1 Corinthiens 15, que c'est pas important de faire traîner n'importe qui autour de toi. Ah. C'est le but qu'il faut être en bon terme avec tout le monde. Et ça, t'es, ou que quand t'as ma kita ya musiki, ou que quand t'as na babalu yenga kilikili, ni, ni, oh non, je suis en bon terme, pasteur, m'tote ya kibis. Non. Mais il faut y babanan ou quoi approcher. Nous sommes beaucoup de chrétiens sur la terre. Amen. Alors, ou que quand t'as na bande konayo, kati na Christo, bah on va comprendre yo si facilement la place aucun de ko ko sangana na batu misuso avec le temps ba ko ko ba problème yango bible zo sa biso so ki to sala bolam to sala entre biso na biso bana na nzambe c'est que même le kamboteli libala oyo ko ke bala moi sa libanda te c'est pas important il faut bala mo Christo. Parce que beaucoup ça la langage moko beaucoup yokana même muto ya za mon pagano un jour soki bomeko so anata moke akobi msolo bilo msusu na moko tire les hôtels en lingue bi oyo yeto msusu alléluia amen na koko bande message na deuxième culte to yake mona vocation ya Jérémie na deuxième culte bande baza kwana na foka ki problème ya Jérémie na Paul autre se benga Saul ils étaient des gens normaux mais ils ont d'abord fait leur vie et après un certain moment Zamba ils se sont dit que non je vous ai choisi pour boyo selangai et tant ba yamba ki appel ya Zamba wana isali que ça a changé beaucoup de choses en eux ba yebaka bango ba tupamba mais après un certain moment ba yaki kobimisa image cachée au Nzamba bomba kati na bango et c'est par acte moko Nzamba salaki côté à Paul tout moni Paul akomaki aveugle Nzamba bimelaki na lumière makasi côté à Jérémie tout moni ki Jérémie alobi que je suis encore un enfant les oba que le Seigneur a touché sa bouche il a dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche mutu yoko sa okupambola akupambola oyo kolakela mabe ye parolakela mabe c'est que destin ya mutu Nzambe akoko modifia ngo Nzambe akoko bungisa ngo okozala que famille to libota to batokoli na bango ba aide yote o resur na vie mais okutani na Nzambe Nzambe pe asungi yo alléluia eh okozala que mobala zo mona o pamba moi c'est zo kipe yote poza na tina te mais Nzambe pe so valeur umoni ba to bazako pe so mukongo pakoma ba kobaso luka yo. Le Seigneur est capable. Il y a qu'au changer peu de destin. Il y a qu'au vivre la misère na misère. Et comme le collègue mon message la famille na bino bobonga kate. Yo moko ko tokomo le bango ke biso na famille na biso makambo simba kate. Mais na zoeb sa ok e pa Nzambe, Nzambe ko ko bak c'est quelque chose. Ne si ka boka o kezala ki o moni pe changement yo kote. Alléluia. Aujourd'hui je te parle parce que na zo mettre point virgule natem oya destin parce qu'à partir à lundi toujours banda fils de l'homme prophétise oya kozala sur l'effusion du Saint Esprit alors nazo c'est ça vous expliquer yo boy qu'est-ce qui s'est passé pour batoy basepela c'était l'évangile qui était prêché Bible zolo bako lorsque les gens ont reçu la parole de Dieu, le païen qui écoutait la parole de Dieu, parce que c'était Paul et Barnabas qui prêchaient. Il prêchait avec assurance. Il annonçait la parole de Dieu. Et la Bible dit que, dans verset 41 et 47, car ainsi, nous vous l'ordonnons. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les païens ont écouté ces paroles, la Bible dit que le païen se réjouit. En entendant cela, il glorifiait la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle était aussi là et aussi glorifiait la parole de l'Éternel. Verset 49, faisons le bas. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Bien aimé dans le Seigneur, nous pas son secret, mon comme bien. Nous allons nous mais nous allons comprendre bien le message. Ce secret est ainsi. N'oubliez pas que si vraiment ta vie ne tient pas, les choses ne marchent pas comme il faut. Il y a un Dieu quelque part qui peut te répondre favorablement. Un Dieu qui peut changer ta situation. Et l'on dit les personnes qui sont de quoi ils sont. Tant que Paul, na Barnabas, ma telemi ba doteya, il prêchait. Na tant que ba communiquer message, na kacha peuple, le bin zamba persibiso mission, ya comme ma lumière, na kacha ba nation. C'est le Seigneur qui nous a envoyés. Alléluia. Nous avons même utopé si bango mission. Alors, tant que vous allez expliquer lumière au bas mis la vie à bateau. Et ça, c'est quoi que bah payer au bas d'aller saisir message, bah bandit qu'on s'épelle. Non seulement bah payer bah s'épelle, même ce qui était destiné à vivre la vie éternelle, à recevoir le salut. C'est que nous tous avons une mukilio. Au cause de la oyebana ninzambete. Mais un jour, nous avons eu le belayo, mbalamoko oyambi message peu ufandi. Alléluia. Ce qui n'est pas un mois mouke sima, nous avons eu vers deuxième année. Je crois que tout ça, une année 6 mois, depuis, nous avons eu un banesco. Ce qui n'est pas une année 7 ou 8 mois, je crois. Amen. Nata oyo, et ça n'a pas tout belé, baya et se kaou. Baya pour nous ensemble. Monsieur Soubaya n'a pas malade, besoin guérison. Bien là bon. Bah Monsieur Soubaya, monte mon col colo, nan le dossier nécessité, délivrance nécessité. Bien là. Mais est-ce là bas tout Monsieur? Oh yo na zana bango depuis Taiwan, discours. Où cela là? Est-ce que na ya kan abanda kun abango banda tongo chipoko? Est-ce que na benga kan abango la ba téléphone El Nyos? Nous sommes tous les téléphone à la côté. Mais ayaka prière tous les jours. Ça veut dire quoi, mes frères? Il y a des gens sur cette terre que le Seigneur a déjà prêché. Que bate yaka kaboui. Frère, bon, la mouté. Bala moro pa bon, la mouté ma. Mouta ouya sur sa l'évangélisation. Azate. Bala moro. Mouna mouté pa sur mouvement. Yé bon, mouta mouta mouta mouta mouta mouta. Mais ça, là, ben, sous. Ah. D'attendre. Où est-ce que vous sentez? Capo, vous en êtes au Kekas. Vous voyez, lobby, ce que vous savez, vous voyez. A t'y qu'elle n'est. Oui, mais c'est maintenant la seule église. Ah! N'a pas besoin de qui? Lobby, le sous-coun. Oui, vous voyez, oh non, non, non. N'a pas besoin de qui? N'a pas besoin de qui? N'a pas besoin de qui? N'a pas besoin de qui? N'a pas besoin de qui? Mais où est-ce que vous priez? Ah! N'a pas besoin de qui? N'a pas besoin de qui? Bateau basan mais le rapport maman n'a zo chaire pression toque prière n'est-ce que azo bia zo ben de mon loin ni kasi mamat alo binin toque en église les amis ma frère monsieur bayaka pour moi si na ebisi soki toque église te kolobi sangate ce quoi a résonné et n'a sollicité mais ndako ya koma munene tika ka toque do ayewa pour le kobo ya magelele mosne. Monsieur Spaza, pour mon père, ok, église, c'est. Quelle église? N'est-ce que vous avez dit? Ce sont des choses qui prouvent que dans l'homme, est-ce qu'il est vraiment destiné à vivre la vie éternelle ou pas? C'est que ne confondez pas les choses. Et alors, je me suis dit, attends, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu ezala mutu mususu yeso ko chelie banzemba mokili opeshe masanga ndebo ko mba kamarade me soko ye banika ka prion mame yale cho ebi ofingi habebi selonke ta mususu yoko baba sana bakisi azana na kisi te ata mususu pena kendo kite mais il n'est pas destiné au salut. Mais il y a d'autres personnes attendez on a hôte ya boya zo yok ane na bakisi na ndako. Mais quand on prêche la parole, c'est comme si hein, ils ont percé et ils ont été. Mais à ce moment-là, ils ont fait un cocolan. Mais tant que vous avez fait un cocolan, vous avez fait un mal à l'aise. C'est qu'en lui, il y a quelque chose, mais cette chose-là est étouffée. Parfois par le système familial. Vous savez, tant que nous avons écrit moi, la moquette, ma grande sœur, elle a prière. On a un groupe de prières, on a réuni ma casse. Moi, je suis là. Amenez-moi aussi. Amenez-moi. Je suis là. Bon, mais mangai. Je suis là. Dérangez kun. Je suis là. Je suis là. Mais ce qui est là, c'est que je suis là. Mais oh, nin. Amenez-moi là-bas. Je veux aussi aller à l'église. Amen. Et quand je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah, mon nom bien. Il y a un bien. Et ça, mon tout le monde a fait ça. Aux Hollandais. Parce que tant que nous sommes ensemble, effusion du Saint-Esprit. Et c'est là que nous avons Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit m'avait touché. Il faut qu'on encadre la vision. Mais comment toi tu vas dire dors à l'église? C'est pas même sécurisant. Il y a des moustiques. C'est un français, papa. Ce qu'on y a, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ou alors, il y a des la gêne, à 23h, na maya lobo. Mais la famille ne comprenait pas. Auparavant, c'était la guerre. Guerre. Alors, malembe, nzamba, soko, banabiso, nde sikoy, moutouali, bon, soko, comprendre, zaki, maman. Maman, ebi, singa, bi, toi, dans un azem, non, moussako, le mou, rappelle, sanga, message. Mais, dans un mou, la maman, ou, soko, kisam. Papa, rien, incrédule. Azoboya. Mais c'est quoi ça? Non. Toi, tu es quand même un garçon. Mais c'est pour te dire que dans la vie, il y a des gens qui sont destinés au salut. Il y a un monde qui est destiné à la salut. Il y a un monde qui est à trouble, il y a un monde qui est à trouble. Mais il y a un monde qui est à la il y a un monde qui est à la salut. Il y a un monde qui est à la pasteur. Donc, ce qui concerne le salut, ne lui dit rien. Oh papa, dans ce monde, ça va nous attendre bien. Il faut que tu vendes tout seul. Maman, tu vendes. Quand on dit, oh, tiens, où est-ce que mes problèmes sont? Le rôle de ce personnage rapport, c'est là que mon abeille, Natune sera lobi papa. Neba route sera on te wapi nabi o wanabi. Ah. Nabi ete. Mais ce yo zo ye bo ye habite to vanda kaka. Ama ote. Ote. Do to mona mutu. Mais quand il y a problème, azo lokande ka problème. Il y a à quoi en église. Aya li problème na ye. Mais quoi mieux wa? Asel mi sel ba kamarade. Na ba kamarade o li ata po ba luka nzambe li susu na profondeur. Comment va nous au somme est-ce que nous sommes en clair l'église au frère bienvenu ba qui paye tain. Ce quoi o lingi tous frère bienvenu to même na. Na mon kong ce que tu stem le nebo ne bien. Ba qui paye ye. Les gens qui ne sont pas destinés au salut, pour lui, la prière, c'est rien. A toi, le bel que Jésus-Christ est Seigneur. A toi, le bel je respecte Jésus. Mais, attends, mon bonjour, bonjour, pasteur. A quoi respecter le pasteur? Mais il y a une vie éternelle. Ceux qui le bel et que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont été pour ça, pour ça, pour ça, heure à prière, mais heure où on pose ça, il y a autre chose mon ayo, il y a nani, mukusa. Ne heure où on pose ça, heure à prière. Soit qu'il le balance en zambé, soit personne s'est monté. Mitala malam. Il y a qui heure à prière pour baso tini kolo makasi. Pour balobi non que tu vas pas aller à l'église, non tu toke kasi. Mais quand il ayo le balancer me fait comme le quoi la source. Il y a que bayaga rotike longo teme ya ngomoko et punjoka punjoka na kati na yo. Bible zo yebisa biso que na tangwa kala nzamba yebisi na Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Mais na tangu tozo pousse na nzamba ba diko kala bwa plus avec les gens. Daniel, il lui a dit que je prépare un nouveau peuple. Un nouveau cœur. Et ce cœur-là ne sera pas de pierre, mais un cœur de chair. Je vais écrire mes lois sur le cœur. Ça veut dire que ça ne sera pas encore important de marcher comme ça. Laisse ça à la maison. Marche maintenant avec la parole qui est dans ton cœur. Parce que on commence la Bible dans la bus. On commence la Bible dans le taxi. On commence la Bible dans la place de ce que tu as dans la Bible. Mais ce qui est Bible, comment la moté manayo, on commence très différent dans Batunios. Parce que avant d'agir, tu vas te référer directement au verset biblique qui est dans ton cœur. Que je suis appelé pour rendre gloire à Dieu. Alors tu ne peux pas faire n'importe quoi. Sœur Moko, avant Nandako. Ma petite mon baïko, sœur, non, on va. Mon bal n'a yo kuna zo régné. Mon bal n'a zo régné. Ah, régné. Oh, ba fille, mon roboy. Zo régné na ba fille. Sœur, l'oubi, n'a si na yo kake mon bal n'a gabi makana. Na fille wana me babi tout monde place bazali sera lobi lelo ba ko yoka ngai sera kangi le put abongisi balam abando kenda komika kana kwa ya balabala na ye le bana nzambe bandi koloba qu'est-ce que tu es en train de faire yo kanisi ke soko bundi nde mobali na tiki kindumba déjà nguli mo nzambe bandi osani. Kulubele, ba bundaga la mobalité, ba kote la rambale prière. Soko ke bunda, okubi mazob, okukuma pe kuna boba tuti yo. Zong. Akumi ona nyeti frein. Alobi ba ana chance. Zong. Soko ba peti babi, ah, c'est rozongi abi. Ba ana chance pona kuma sambila. So kite nangana katane la bango amen azoniti nanda kwa fani avandi mabwa. Est-ce Allô, papa. Déjà, le Saint-Esprit, ça fonctionne. Nous avons besoin des gens qui sont destinés à vivre la vie éternelle. Batouana ba sepela kana makamuna nzambe. À cause de la neige, à temps pagan, la Bible dit que même les païens qui étaient là étaient dans la joie d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la vie des Pointe-Noire, quand on prêche le matin à la radio, il y a les gens qui disent non, non, non, ça c'est la parole. Non, on aime ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont destinés pour manger la nourriture céleste. Mais celui qui est destiné à la perdition, même si on prêche comment, même si on fait les miracles, il sera tellement abandonné au fing. Attends, moi, je suis quitté la mission, je suis allé à la mission, mais celui qui est destiné à la vie va comprendre que ça, ce sont des miracles pour nous fortifier encore. Je ne suis pas allé à maman, au babot. Bandeko, mutoa bota mwana na ye azwa kuomba pesa yo. Seke uza important na misu na ye. Amen. Hein? Ye de nos soeurs. O ya ke bakeno pita bebisye, yo mwana sa kufi. Halibumu, mwana sa kufi. Ha kufi ye. Ha kufi de nini, mwana kufri deshi. Toze la, tobi misi. Aïe, aïe, misera papa. Mais le monde a confiné. Où y a Koufi? Où y a Bisho? Azal. Kozon a soukounete. Hôpital Bandoki. Assemblé lié. Nabi. Kendo hôpital Moussous. Il t'indé pas ya. Frère Nabisou Moku. A quelqu'un a battu la Batma ya monté ma yamon a zandé bien. Azu bakis ma pisse. Serre à jouer à Salin. Aboti. Tu écoutes moi, moi, après c'est un combo. Y'a moi, c'est Congo, y'a maman. Oui, l'on a été. Ce qui a le bac à que, bon, le col à Koufi, Bobby Misekas. C'est pas un peu pour moi. Hein? Pas provoquer, ouais, non, mais la bise, y'a yoté. Ce qui bat, tu vas coller bac à oh, oh, oh, ceux qui sont destinés à la vie. Ils ont droit à écouter la parole de Dieu parce que bilé ya molimo monsanto pour la tina biso bala na nzambe ezali liloba naza. Quand la parole est prêchée avec toute puissance, quand la parole n'est pas modifiée en côté, vous avez battu sous comment modifier parole. Alors ceux qui sont destinés pour le salut, bah qu'on s'est retrouvé. Mais destiné. Ce qui diable meilleur qu'on ait ça mouki à supporter qui. Il y a un moment où j'ai dit que ce n'est pas important dans ta vie. Il y a quoi qui va ensemble. C'est pas important. Il y a un moment où on a vendu nan. Ça ce n'est pas chrétien ça. Ce qui monte ça y a qui goûte à ma cambolol. Les hommes qui on suit au Simbi déjà. On goûtait les choses célestes. Après, on soigne la sous masumu. Non, non, non, je ne crois pas. C'est qu'on goûte à Gibienté. Mais on croit à Molim. Ce qui goûte au Bego Peng, on soigne la maman comme ça. Tu ne peux pas rester dans les péchés durant toute ta vie. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui vivent dans les débauches. Ils sont dans des salités troubles. Mais c'est une église. Moutou une église, mais ma boutou à quel loc. Moutou une église, mais n'a pas à quel roi c'est qui nous. Moussous, à ce qu'il y a un mort, à quel roi il y a beaucoup. Et tu m'as dit, l'église est fondée. Elle est fondée pendant que. Papa, est-ce que le gros monde est une église? Eh bien, non. Non, mon été. A boy, on a eu un mort. Eh bien, mais la qui n'a pas de. Parce que quelqu'un se bloque à la famille. Mais il y a une hein. Où y a une autre qui est le plus dans le monde. Ah, vous avez une idole. Que jamais moi dans le monde, je ne suis pas rien. Hier, ce tellement. Oh non, le bisou frère, c'est le qui me reste. A raisonner avec la famille. A régner n'a pas peur qu'on fasse mais quand même a régner n'a pas. Hey bonjour mon. N'a pas eu téléphone n'a bengé sonné sonné n'a pas eu un j'ai changé numéro. Allô allô n'a pas eu n'a pas eu qui est hey papa papa t'es papa n'a pas eu frère ou koukouf yo qui régner n'a cimetière. Ote papa va informer onde ma ben habité yo yebisanga mboko kesani. Ola kinga te pouni. Alléluia. On n'a pas droit aux erreurs. Et ça n'a pas âme au basa destiné na salut. Mais il y a d'autres personnes basa na imperméable na zoto mangwa to te ndeng nin. O nyo se bosolo bawana isole ka lokola mpepe kotiao. E bimiao. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48, et sur le bango. Même les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole de l'Éternel. Et surtout ceux qui étaient destinés à la vie crurent directement. Ça veut dire, bah, c'est pas le bon et le bon ensemble, mais bah, on va être destiné à la vie. Bandimeli malamoko. Destin, il y a les kamolanzambe, chrétien, nous sommes Christ, nous sommes Seigneur, aïe bako. Tous ensemble d'abord parce que c'est le Seigneur qui a fait son choix sur nous. Amen. Et ceux qui ont bandit, si qu'on peut éviter appel Yanzambe, on va dire que de pembel pembel, tu te crées des problèmes. Et quand tu te crées des problèmes, tu seras en insécurité. Or, insécurité, nyos, et c'est là que tu vas vivre sous Bola Moutre. Insécurité, bon, il sera moutou bilok. Ou quoi, ou koufe la banane, l'ikoloka kayake. Vanda na makola bantoma bakamba yo vanda na makola basakoli ba pasteur bakamba yo oboyi o préférer o kamba vino yo moko o rekota musiki 100 kilo o rekota ekiri ba mama liboso liboso nde o rekota kuna o le bien awa bolingwe sali bolingwe za pona nini po bovandi bozo mela masanga ba mama bana bovandi na kati ya bar o musiki musiki bolingo bolingo na kacha ba bomeli bolangwe bokomozo na mibale ya batu otikio ya yola ndako bokei bosali ya minene outi kuna na zemi oyoko kosale ya ndako yango yo foto tana bana no bien amen c'est cela qui déjà na comprenak foto tala bana no bien po ba misus ba kosale ya kun. Il y a vente qui me vente qui me le bon ensemble ce que je salue sur ce monté dans mon thème. Je suis vraiment désolé parce que tant au kangio na makasi mukolo kosoka kanzela okokima na yo. Alléluia. Je vais finir par là parce que faut na sambela c'est un moko sala qui voyage na voyage accueilli a remarqué que kuna na voyage azala ka intercesseuse. Muta amoni azate. Sera ke kota libal. Kota ke kota libal. Libale, libale, libale, libale. Sali ke pasteur moko hauli kananzela. Atali albi yakana. Yo zana problem. Abingai. O zana problem. Na zomo na batu bazola ndona ba machete na sima. Mais il y a des gens qui ont dit que les gens sont bizarres, ils ont dit que les gens sont bizarres. Ce qu'on sait, il y a des gens qui comprennent la vision des années. Ce qu'on pasteur, il y a des gens qui comprennent la vision des années. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les amen. Tous les versets, oui. Pour confirmer que bateau et Seigneur va vivre bien mon ensemble, basa ba le quoi la n'importe qui t'es, basa la ga sécurisé. Tout ça dans mon canal y a Hébreu, premier verset, premier chapitre pardon, verset 14. Hébreu chapitre 1 verset 14, la Bible dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ezali ba esprit, quand on parle des esprits, version que ce sont des anges au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des anges que le Seigneur a dépêchés depuis le ciel. Ça veut dire que le Seigneur les a envoyés pour exercer un ministère de protection. Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le ça. Ça veut dire pour comment au côté de la vie éternelle, il faut se rendre dans mon kilo. C'est le salut. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Pourquoi? Parce que tu es destiné à vivre la gloire de Dieu. Tu es destiné à la vie éternelle. Comme la terre a des problèmes. Alléluia. Hébreux 1, verset 14. Le coup de qui lui donne dans ma problème. Mais de quoi les gens sont attendent les autres à boy. Et on a battu mes sous sous ma zone liée lead. Pas son Luca. Payo kata que non. Coule bitumbe bibi. Alléluia. Mais ça comme le problème aurait les canaka. Moi incompréhension mais maga nanda kunanga. Pas pasteur moi imbalé ba meko bendan. Mbala moko ba bengi kishas. Ba bengi braza. Koto passé Gaston Béti Mouto a passé les Nambous. Bati délégation ou t'es brasé yao. Oh non, tu es colongolé. Bon, on a un. Oh, va bien Béti Mouto. Gaï, eh. Ne m'en refie au web. Oh, il y a ce serre papa, ce qui coûte que ça là qui. Au moins, on a un bon ma confiance et c'est essayé déjà. Et c'est le souté. Oh non, on nous a appris d'habiter. Et ça, tout le monde va vendre. Bah, on va se faire la gare à quai. Bah, on va se faire la gare à quai. Bah, le bien, tu sais, c'est que le bien. Mais ça, on va le bien. Pour le nini, parce que il a déjà envoyé ses anges. Ces anges-là ont un ministère. Ce ministère-là, c'est de camper tout autour de nous. C'est un gars là, les anges, ils sont là. Oye na nanga zoto ba tindikiyo. Oye na nanga molimo ba tutiyo. Amen. C'est zoto za destiné la salut. Ko ga zeta ko za ga yomo ko. Ko za ga na bon moté. Problème ko ye nango. Mais sois sûr et certain que il y a des esprits autour de toi qui sont en train de travailler pour te donner la solution. Amen. Ah, moko ye nango ba nyongo ba nini o vendre de mutu. Je t'assure que souviens-toi de ces versets. Tu n'es pas seul. Attends, attends, le désert, attends la prison. Vendez le baquet. Ah, je ne suis pas seul. Il y a des anges. Selon ce que la Bible dit. Ceux qui sont destinés à la vie, le Seigneur a envoyé pour eux une équipe des anges, les anges qui sont là, pour t'aider, afin que tu ne tombes pas. Et ça rapporte tellement, au avancer le monde à Yesu Massi. Ça veut dire, au temple le monde à Yesu. Au son progresser le monde à Yesu. Parce que tu es appelé à vivre le salut. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui concerne le destin, ce qui nous embasse à Bengio, comme tout nous s'en lui-même va prendre charge de toi. A Bengaka David, David était un petit garçon, il ne connaissait absolument rien, sans expérience et à vie. Mais à Wendre David, pour David est comme un roi, David avant de lui dire, ah, mais à mon âge, je ne peux rien faire. Habino frère, tu es ma foutu à la colonne yo. Et ça, la moussa. David jouait au guitare depuis longtemps. Mais David atikala ko s'occuper na guitare na été mais tant ma foute quoi na muto David et celle que guitare son ya guitare à David et bimiti na cité ti bato ya royaume bato ba travailler pas roi ba comprendre que ah David o azana ma foute roi bando belle il faut mettre les musiques pour soulager muto ba gezo na David. David a mis le ten et puis David il s'est là complexé na bigogo ya ba grand frère na ya mamu kemke tout yo donc le roi c'est mon amuke boye bika ndengeza la kaba ya yana mona muke ndengeza mon kemke egogo skon zamba ba nomme ma David na niveau moko ya ke amona pe comment les rois réagissent comment les rois vivent zoka tanyo so David ezaki na ndako wa Saul. C'était pour voir comment les choses se passent. Et après, bitumbe yoko bim. David a zongé pas là-bas. Kozonga David a zonga sous zambate. Asuke pa bang. Papa bang a évité David, ba yano ba na guerre. Mais maintenant bang on ba gato balia. Koko ma zonga ba na guerre. Ayoki tata moko talambinga zo fing. Wanen o Goliath. Ah, ne Goliath, on a yoko kawa. Ne ye, hein. Bon, nga papa tininga na tikala no ba gato. Alors quand on a goûté à ce finga, bien au bois l'ensemble nini, bois longo kuna. Alors bien mais cette personne, lui n'est pas destiné au salut. Normalement le salut c'est nous. Mais je peux le terrasser. Eh bien c'est orgueil non abanda bumo. Yo mon nous allons orgueiller. Nous allons avoir ambition mon robot. Il est bizarre comme tout le monde. Longo ao. Desko a sauté à Kimi Bayana ye. A qui pas basoda président. Il a roi. Ils sont soi ba bomi tata wana muntu akoboma ye bo pesa nini ono okobala mwana ya roi pi ba kopesa mwana ndambo bokonzi ah soki bongo nga nakobunda ebise frère yo bunda osoki bloko zorban sko Saul na kati ya tante azoyo ka discussion na nabi wala nani boko tseo akota ah David c'est toi. Habibi ngaiwa. David alingini. Oh, nakobeta Goliath. Ah, David. David. David mambo itali dino. Oyeza mambabale ni. Oyeza kodimte. Oyeza vi. Habite papa. Kobeka kolobana ngai kodimte. Na boma lion. Oboma lion. Oboma na nini? Ona maboko. Ah, David tikabelo. Oboma ka lion ozokosa. Habituna ta grand frère. Ya Chama. Grand frère né à côté. Chama ye. Papa, moi, je suis maman Lio. Ah bon, maïe, mais ah, moi non. Il y a mis ça sur le sol à ours. Cambou, on nous a la bonne. Au moins, il était roi, ça. Il y a mis ça sur le sol à ours. Né roi, tu n'es ours. Ah bien, n'a bête à paix ours. Au bête à ours. David, il m'a amené au Loban. Destin, toi là, ce qui nous a mis à fond l'eau, c'est là. A rebattre là. A rebattre là. A rebattre là. A rebattre là. A rebattre là. A rebattre là. A petit palmarès, non. Et puis ça a courage, n'a pas de rebond. Mais ah, j'ai un dé. Et on a eu ça, attends, on a eu un militaire, comme tout le monde. Zalaga Makassia, ce qu'on s'en est ici, 1 million à 1 million, ça, combien? Ce que l'on a dit, 250 000 ça est très bien. On m'a dit que vous avez vu quelqu'un. C'est que nous avons passé dans un bon bébé. Oui, l'on a dit. Ah, il y a que nous avons passé dans un bon bébé. Pour des gens qui ont dit que ce que c'est 6 millions, on l'a dit 1 million, c'est combien? Nous avons passé un bon. Pour calculer la milaï, on a dit. Mais oi, oh, cook. Et David a osé de défier Goliath. Mais roi Ebisie, moi, je suis là, casque, Simba, boy, babunda, boy. Tant Saoul a pêché casque, yo, casque, mon nez, David, moutou, moukie. Et je suis là, broum, broum, broum, broum. Ebisie, roi, il bounde, il n'y a kilo, il n'y a pas de bien. Ebisie, c'est quoi, lion, manou, bounde, n'y a pas. Habi, ngana bounde, n'y a pas banga. Ka, papa, ma banga. Alors, Zelana Namek, Abi, mon fils, Soko Koufi, Zamba Batele, yo. Ok, lol. Pour bise te tirer dans le kubunda na Goliath. Pour façon ce qui n'était pas moi non plus. À quoi ça le mène? Goliath a mon garçon, mon garçon. Goliath a dit ka. Saoul, on commet la souka. On commet une erreur mineure. Nous sommes sur les bateaux que Azo sa la face contre Moto y a un destin. Y a que encore ma roi. Il fallait occasionner Salama pour combo y a David et Matesumaka. Makas. Nabato avant la zinga zinga na Israël. Baba na kobanga David. C'était l'occasion. Bien aimé kobanga ba problème te. Affronter un homme. Bon problème c'est quoi y a pour embattre Sokaka. Et longa te bande kona na. David a quoi ici Goliath sangwekei. Parce qu'il était destiné. Il y a ko longa. Na zo bisa ok et longa na banjo nzamba chepe mena yo. Okusala ka molo. Mais ko yo ki sa nzambe sonite. Koti ganzambe te, okomi ba posa mokili, nyonso ba cigarette, ba masanga, ba diamba, ba drogue, ba mafia, okomi mutu moko ya vi moko ya. Non, non, c'est pas important. Kangama na nzambe. Et na yebi ke destin na yo, ndenga na teyi boy, ndenga sepene luba na nzambe, banje na nzambe bazade ya pembe na yo. Soki okomi na nzala, bako s'organiser, po ba fongo lelo banzela, po te bilia ekota na ndaku na yo. Ataba ta famille balobi que yo ko suka yo yo beta gazon ko yo ko bamba pantalon ba kozela jusqu'à ba ko kokate tellement le koloto sambenza. Alléluia. Yebi san sambena yo. Seigneur, merci pour ce que j'ai écouté ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, quand tu illumines la terre, ça fait du bien pour battre nos sotoba la mukaka pour accéder à misala. Awakolo éliminé sukobo mon abisso. Na lumière na yo ya bosem. Ezo pesa biso sengo ya koyoka yo nzambe. Alléluia. Jésus. Tu vas invoquer Zambé à mes maillots, la destination à yo. Destin à yo, Seigneur, le coquissam. Mouna Satanaï, va yo le côté. On se manda kosambela, Seigneur, pas dans Zambé. A coquissam, les volontaires, les colonnes à yo, tout samba les bassos. Alléluia.